Exercice 7, page 136. A. Ce n'est pas lavable. B. Ce n'est pas trouvable. C. Ce n'est pas valable. D. Ce n'est pas visible. E. Ce n'est pas vivable. F. Ce n'est pas buvable.